mettre la fiscalité des Français, mais une fiscalité beaucoup en plus sportive. Comme un mode de fiscalité comme un autre, la reconnaissance des couples homosexuels avec le pacte en France, le mariage dans certains pays, fait partie des évolutions sociales contemporaines. Comment les religions monothéistes se positionnent-elles par rapport à ces évolutions sociales? Et bien pour autour de cette question, nous avons invité des représentants de quatre religions monothéistes, issus des personnalités, issues de milieux et d'univers religieux différents. Alors nous accueillons aujourd'hui, qui n'est pas un représentant religieux, Daniel Hervé. Merci, merci, vous précisez. Sociologue de religion, qui a publié de nombreux ouvrages en sociologie des religions, dont « Catholicisme, la fin d'un monde » en 2003. Et Daniel ouvrira la discussion après les interventions de nos invités. Nous accueillons le rabbin Michael Azoulay, le rabbin de la communauté consistoriale de Neuilly-sur-Seine, le membre du consistoire israélite de Paris. Donc, vous évoquerez la position du judaïsme consistorial au sujet de l'homosexualité, votre propre position. Le père Laurent Lemoine, qui est psychanalyste et qui enseigne la théologie morale à l'Université catholique d'Angers, et qui est également rédacteur en chef de la revue d'éthique et de théologie morale, ainsi que rédacteur en chef adjoint de la vie spirituelle. Donc, il évoquera la position de l'Église catholique sur l'homosexualité, les points de vue de théologie morale et les pratiques pastorales. Abdelak Edouk, aumônier musulman, vous menez un travail de recherche sur la régulation de la pratique religieuse en prison. Et vous évoquerez les points de vue des théologiens musulmans sur l'homosexualité. Et enfin, nous accueillons Marina Foucault. Nous devions accueillir Stéphane Lavignotte, qui n'est finalement pas disponible aujourd'hui, mais qui nous a chaudement recommandé Marina. Elle n'avait pas loin à aller. Elle est présidente du Carrefour des chrétiens inclusifs, membre de la Maison Verte, qui est une paroisse inclusive de la Fédération protestante de France, et elle évoquera les positions des églises protestantes et des églises inclusives sur l'homosexualité. Je vous propose de commencer peut-être par M. Rabin. Donc je demande à chacun d'entre vous d'intervenir au maximum 15 minutes, hein, pour qu'on ait bien le temps de la discussion par la suite, hein, avec Daniel, Hervé Léger, et avec une question que je voudrais bien poser. Bon, écoutez, très bien. D'abord, merci pour votre invitation. Voilà, moi je précise d'emblée que je représente une mouvance, donc un courant du judaïsme, comme vous savez, qui est traversé, comme la plupart des religions, par différents courants. Moi, je représente le judaïsme orthodoxe, consistorial. Voilà, parce que vous savez qu'il y a d'autres tendances qui ont un rapport à l'homosexualité qui n'est pas forcément le même que celui que je représente. Donc moi, je vais essayer d'exprimer un petit peu quel est le point de vue du consistoire, en disant d'emblée que ce n'est pas un sujet facile, en fait, pour nous à aborder, parce qu'il y a une vision orthodoxe, on va dire, de l'homosexualité, qui n'a pas beaucoup évolué, et qui est réellement, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accepté de venir aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça fait partie des questions qui m'intéressent. Il y a un certain hiatus, il faut dire les choses très, très, très sincèrement et en vérité, il y a un vrai hiatus, une vraie dichotomie, une sorte de décalage important entre l'acceptation aujourd'hui de l'homosexualité dans nos sociétés et la vision que je représente aujourd'hui, qui est plutôt, vous allez le voir, assez hostile à l'homosexualité. Alors ce qui m'intéresse, moi, en fait, c'est de voir un petit peu les possibilités de sortir de cette hostilité, de cette défiance. Est-ce qu'il y en a d'abord? C'est un petit peu là-dessus que je vais essayer de travailler avec vous. Mais on va quand même commencer par le début, ça veut dire vous parler de la position officielle. On parle du consistoire que je représente un petit peu aujourd'hui. Il faut quand même savoir, le président du Beth Haverim qui est présent, Franck Jialbine, que porte-parole. Je crois qu'il ne me contredira pas. Il est président, donc cette chose en son temps. Très bien. Enfin, il ne me contredira pas, puisqu'il sait très bien qu'au niveau du consistoire et du Beth Haverim, officiellement, il n'y a pas de dialogue. Voilà, donc c'est déjà, je pense, très, très significatif par rapport au sujet d'aujourd'hui. Alors, en fait, la raison, en fait, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de partir d'un responsum contemporain. Et alors, un responsum, je rappelle un petit peu de quoi il s'agit. La tradition juive, un de ses moyens d'évolution, c'est de poser des questions sur tous les sujets possibles, y compris les sujets de notre modernité, et d'essayer de se confronter à ces sujets en convoquant des textes de la tradition, textes plus ou moins anciens, pour essayer de voir voilà, quelle est notre vision de cette question aujourd'hui. Et alors, en l'occurrence, j'ai choisi de partir d'un responsum d'une autorité qui est aujourd'hui connue dans le monde juif, qui est le grand rabbin Michel Guggenheim. Alors, ça ne veut pas dire forcément que je suis en accord total avec ce qu'il dit, on va y revenir, mais il a écrit en fait un texte dans un livre en français qui s'appelle « Tu marcheras dans ses voies ». En fait, dans ce livre, il parle de beaucoup de questions de société, de sujets de société, parmi lesquels, vous voyez le titre, « Regard rabbinique sur l'homosexualité ». Alors dans ce livre, ce qui fait l'intérêt de ce responsum, alors responsum c'est une question qu'on pose à un rabbin, en général à ce qu'on appelle plutôt pas un rabbin, pour être plus précis, un posek. Un posek en hébreu c'est un décisionnaire. C'est-à-dire c'est plus qu'un rabbin, c'est quelqu'un qui a une très très très grande connaissance exhaustive, très approfondie des textes, et qui va essayer de répondre aux questions qu'on lui pose, mais des questions encore une fois qui touchent, je suis membre également du comité national d'éthique, c'est des questions qui touchent à la bioéthique, des questions vraiment très modernes. Et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions en utilisant nos textes. Alors, voilà, là, en l'occurrence, il fait ce travail. Il commence par d'abord parler de la manière dont est perçue l'homosexualité dans la tradition juive, d'abord dans la tradition biblique, et ensuite, puisque le titre, c'est « Regard rabbinique », ça veut dire, justement, ça suggère déjà peut-être une certaine forme d'évolution ou pas, on va voir. Et ensuite, il essaie de continuer en essayant de voir voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui, on aborde cette question-là. Alors, il a écrit donc ce responsum, donc question. Vous voyez, c'est des questions qui sont écrites à des rabbins, à des décisionnaires. Et ensuite, la question et la réponse sont couchées par écrit, qui permet en fait, par exemple pour moi, d'avoir un texte avec des références, avec une réflexion, avec toute l'élaboration d'ailleurs d'une réflexion. Parce qu'en fait, ce qui fait l'intérêt, c'est pas tellement, souvent, c'est pas tellement la réponse, c'est plutôt comment on arrive à la réponse. C'est-à-dire comment est-ce qu'on utilise des textes, des raisonnements aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup d'interprétations et de raisonnements. Je voudrais d'ailleurs, si vous me permettez, rappeler que la tradition juive est une tradition qui donne une très large part à l'interprétation. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui permet justement sur des sujets comme celui d'aujourd'hui, d'arriver à ouvrir un certain nombre de portes, sans quoi on n'irait pas très loin, puisque vous allez voir, je vais partir du point de départ biblique sur l'homosexualité, si on s'en tenait au texte, sans l'interprétation et sans les interprétations au cours de l'histoire, on ne pourrait pas aller très loin. Et donc, c'est pour cette raison que ce qui fait l'intérêt de ce type de questions et réponses, c'est le fait voilà, qu'il y ait toute une réflexion qui amène à donner une certaine réponse. Alors, en l'occurrence, vous voyez, si je prends le texte « Regard rabbinique sur l'homosexualité », donc il y a toute une introduction sur le fait, effectivement, qu'on juge l'homosexualité quelque chose d'accès dans nos sociétés. Et ensuite, il commence par expliquer. Alors une première chose qui peut surprendre, c'est que l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine n'est pas du tout traitée de la même manière dans la tradition juive. Alors j'explique en un mot, c'est quelque chose de connu, mais peut-être que certains d'entre vous, parce que je pense qu'on est là aussi pour parler des gens qui ne connaissent pas forcément bien le sujet. En l'occurrence, l'homosexualité masculine est très fermement condamnée dans la Bible. Je vais vous citer dans un instant le texte qui est très connu. En revanche, l'homosexualité féminine, il n'y a pas de référence explicite, claire, concernant cette forme d'homosexualité. Donc c'est pas forcément connu du grand public. Donc on traite explicitement l'homosexualité masculine. D'ailleurs, à deux reprises, il y a deux textes, en fait, dans le Lévitique. Un premier texte qui parle d'une infraction, donc qui juge l'homosexualité, soyons précis, le passage à l'acte homosexuel, soyons précis, comme une infraction, et un second texte, toujours dans le Lévitique, qui parle de la sanction, un peu comme aujourd'hui en droit, vous avez ce qu'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines, c'est-à-dire qu'il faut un texte pour l'incrimination et un texte pour la sanction, donc c'est ce que la Bible connaît déjà. Donc le texte qui condamne est très connu. Alors, entre parenthèses, ce texte cite 15 interdits sexuels. C'est-à-dire que vous avez une liste, c'est dans le Lévitique chapitre 18. Alors, l'homosexualité est visée au verset 22. Donc, c'est Lévitique chapitre 18. C'est au verset 22 que je vais vous lire dans un instant qu'on trouve la condamnation de l'homosexualité. Mais il faut savoir qu'il s'inscrit dans un ensemble d'interdits d'ordre sexuel. Il y en a 15. La plupart concernent des relations incestueuses. Mais il y en a quand même un qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et ça va être une des brèches, d'ailleurs, je pense, dans laquelle on peut s'engouffrer pour porter un regard plus tolérant sur l'homosexualité à part de ma tradition. C'est qu'il y a aussi, par exemple, dans les 15 interdits, l'interdiction pour un homme d'avoir des rapports avec sa propre femme lorsqu'elle est en période de menstrue. Alors ça s'appelle en hébreu, le terme technique c'est nida, c'est-à-dire lorsque sa femme a ses règles. Mais en fait, il faut savoir dans la tradition juive, ça ne s'arrête pas là, c'est lorsque la femme a ses règles, mais il faut aussi qu'elle se trempe dans un bain rituel au terme de cette période. Ce qui veut dire que si elle ne s'est pas trempée dans ce bain rituel, la femme a toujours ce statut de nida, qui normalement rend interdit tout rapport sexuel avec son époux. Alors ça m'intéresse beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart des juifs ne respectent pas forcément cet interdit. Pour autant, on n'a pas un jugement aussi sévère à leur égard qu'à l'égard des homosexuels. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet de relativiser, de mettre en perspective. Tout à l'heure, je donnerai d'autres exemples de mise en perspective. Mais voilà, il y a 15 interdits sexuels, dont un très connu, et que beaucoup de co-religionnaires ne respectent pas forcément. Pour autant, il n'y a pas cette stigmatisation qui les concerne. Je ferme la parenthèse. Voilà, en tout cas, ça met en perspective. Alors, le verset est très connu, je le rappelle. Avec un mâle, un homme, tu ne coucheras pas comme on couche avec une femme. Vous voyez, donc on parle bien ici d'un acte sexuel. Tu ne coucheras pas comme on couche avec une femme. Et là-bas, les Talmud détaillent qu'il s'agit d'un rapport sexuel, pénétration, etc. Donc, ce n'est pas simplement enlacer ou autre chose, c'est vraiment le rapport sexuel. Et le texte rajoute ce mot qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est une abomination, toi Eva, mais qui est aussi, alors le Talmud traduit aussi comme une forme d'errance ou de déviance, toi et ataba, enfin, il y a des commentaires aussi sur ce terme-là qu'on ne trouve pas souvent dans la Bible. Voilà, et ça, c'est l'incrimination. Et vous avez après la sanction, qui se trouve toujours dans le Lévitique, deux chapitres plus loin, au chapitre 20, verset 13, et alors on répète, un homme qui couchera avec un mâle, comme on couche avec une femme, etc., ils seront mis à mort. Ils sont responsables de leur sang. Alors, en l'occurrence, la mort là-bas, c'est la lapidation. Alors là aussi, il faut bien préciser, c'est très important, que cette sanction, bon d'abord, évidemment, aujourd'hui, elle n'a plus de lettre, tout ça n'est plus d'application, heureusement. Et par ailleurs, on insiste souvent sur le fait que dans la tradition juive, l'application de ces peines, surtout les peines de mort, les peines capitales, était très rare. Parce que les conditions à réunir étaient absolument, pratiquement impossibles à réunir. Donc ça relativise, si vous voulez. Mais enfin bon, il y a quand même un jugement ici moral à travers la sanction qui est très fort. Donc on parle de lapidation. Là aussi, mise en perspective, j'en profite à chaque fois, vous avez d'autres infractions dans le judaïsme qui ont la même sanction et qui pourtant ne sont pas jugées avec la même sévérité. Alors je donne un exemple, le respect du Shabbat. Dans la tradition juive, il y a un jour très important qui est le jour sacré du Shabbat. Là aussi, en principe, si on prend la Bible, un juif qui ne respecte pas le Shabbat, le repos sacré, est aussi passible de la lapidation. Voilà. Alors là aussi, même chose que tout à l'heure pour l'exemple des rapports dans un couple. Beaucoup de co-religionnaires ne respectent pas forcément le Shabbat, je dirais même la majorité, et pour autant, on ne porte pas forcément un regard aussi sévère. Voilà, c'est des exemples, c'est des mises en perspective qui permettent en fait de voir comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui peut-être à porter un regard différent sur cette question. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également, et parce que ça concerne pas seulement les juifs, ce problème-là, ça concerne aussi les non-juifs, puisque vous savez que dans la tradition juive, vous avez les 613 commandements qui concernent les juifs, ce qu'on appelle essentiellement de manière un peu rapide, on laissera peut-être après des questions à ce sujet, et vous avez 7 lois qui concernent ce qu'on appelle les Béné Noir. Les fils de Noé, les Noahites, ça veut dire les non-juifs. C'est-à-dire, théoriquement, dans un gouvernement juif, où il y aurait des non-juifs qui résideraient dans le pays juif, et si on respectait la Torah, le Pentateuque à la lettre, on ne demanderait pas aux non-juifs de se convertir au judaïsme, on leur demanderait dans l'État, dans les frontières de l'État dans lequel ils résident, de respecter cette loi, qui sont d'ailleurs essentiellement des lois de morale, dont l'une, c'est l'interdiction de l'homosexualité. ce qui fait en fait de cet interdit un interdit universel qui concerne pas seulement les non-juifs, mais qui concerne aussi, les juifs je veux dire, mais qui concerne également les non-juifs, donc le Rabbin Guggenheim souligne à partir d'un titre un interdit universel par rapport à ça, effectivement, puisqu'il y a cette interdiction qui concerne, on va dire, l'humanité et pas seulement, seulement les juifs. Voilà. La raison pour laquelle l'homosexualité féminine n'apparaît pas de manière explicite, il y a des allusions, en fait, on laissera ça pour les questions tout à l'heure, pour ne pas perdre trop de temps. Dans la Bible, les rabbins se sont penchés là-dessus, c'est probablement parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que la raison pour laquelle la Bible condamne l'homosexualité, il n'y a pas de pénétration, exactement. Dans la mesure où il n'y a pas de pénétration, c'est ce qui expliquerait, c'est notamment Maïmonide, je cite ma référence, c'est Maïmonide qui dit ça, parce qu'il n'y a pas de bia, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport de pénétration, d'acte sexuel, et ça expliquerait en fait pourquoi il y aurait un traitement différent, si je peux dire, de l'homosexualité féminine par rapport à l'homosexualité masculine. Voilà. Sur la suite du responsum, je me démarque totalement, parce qu'en fait, là-bas, le rabbin Guggenheim cite un décisionnaire américain très connu qui s'appelle Rabbi Moïse Moshe Feinstein, qui est mort en 84, je crois, qui est très connu, qui a écrit aussi un responsum sur cette question. Alors, pourquoi je m'en démarque? Parce que le grand rabbin Guggenheim donne l'argumentation du Rabbi Moshe Feinstein concernant pourquoi cet interdit de l'homosexualité. Le pourquoi, donc pas la loi, pourquoi est-ce que la tradition juive interdit l'homosexualité, et il donne sur toute une page, il y a toute une approche qui consiste à dire qu'on condamne l'homosexuel parce que il va chercher un désir qui n'est pas inscrit en lui. Alors je m'en démarque parce que sans vouloir me hisser à la hauteur du Rabbi Moshe Feinstein, je pense qu'il y a ici une méconnaissance totale. Enfin, pas une méconnaissance salue, en tout cas une absence totale de recherche, de savoir comment est-ce que l'homosexuel vit sa sexualité. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui est gênant, parce qu'on a, et là il y a un décalage, effectivement, où on donne parfois des raisons, où on porte un jugement sur le vécu, ou sur la manière dont les homosexuels ressentent leur homosexualité, quelque part sans avoir vraiment cherché à comprendre et à vivre ce qu'ils vivent. Donc à partir de là, pour moi, son responsable s'arrête là. Sur la suite, voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord. Il dit que, en un mot, voilà, qu'il cherche à susciter des désirs qui ne sont pas inscrits dans l'humain, et qu'à partir de là, ça aggrave d'autant plus. Pour lui, c'est une forme de perversité ou de perversion de vouloir, voilà, susciter quelque chose qui n'est pas là, alors qu'on sait bien que les choses sont loin d'être aussi simples. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas dépasser le temps, et puis je pense que tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir, le point très important, qui reste aujourd'hui, qui perdure dans la tradition juive, qui explique pourquoi on continue à avoir ce regard qui condamne l'homosexualité, c'est qu'on s'en remet au libre arbitre. Ça veut dire qu'on continue à affirmer qu'un homosexuel peut tout à fait exercer son libre arbitre de manière à ne pas passer à l'acte. Sous-entendu, en dépit de toutes les pulsions, en dépit de tous les désirs, de tout ce que vous voulez, la tradition juive considérerait que c'est une épreuve qui lui est donnée de vivre, mais il faut qu'il s'en abstienne. Pour vous donner un exemple, sans forcément dire que je suis d'accord avec ça, mais c'est intéressant de le citer, vous avez dans un texte très connu là aussi sur ces questions qui dit, excusez-moi, ça va peut-être vous choquer la comparaison, mais elle est dite, on la trouve très souvent, le texte dit comme ça, quelqu'un qui vole ou quelqu'un qui tue, c'est aussi quelqu'un qui va être finalement entraîné par une pulsion qui le pousse à faire ça. Pour autant, on ne va pas le disculper ou le dédouaner de sa responsabilité parce qu'il y a une pulsion qui l'a conduit à le faire. Donc la tradition juive fait une sorte d'analogie, que vous trouverez heureuse ou malheureuse, en disant que finalement, quelqu'un qui va commettre un acte homosexuel, il n'y a pas grand-chose qui le sépare de quelqu'un qui veut voler ou qui veut tuer. Et à ce moment-là, on est à nouveau dans cet enjeu du libre arbitre, effectivement, qui fait qu'en dépit de tout, il reste cette possibilité de liberté, c'est une épreuve, c'est difficile, voire même presque insurmontable, mais l'homosexuel ne devrait pas effectivement passer à l'acte. Deux dernières choses, parce que je vous ai parlé en fait des ouvertures que je vois. Alors, j'en vois deux. La première, j'ai cité tout à l'heure, c'est un petit peu le relativisme que la tradition juive introduit elle-même dans un certain nombre d'interdits, qui ne sont pas forcément moins graves que l'homosexualité. J'ai donné exemple tout à l'heure des rapports entre un homme et une femme dans un couple en période de règles. J'ai donné l'exemple du non-respect du Shabbat. Ces interdits sont des interdits gravissimes. Pour autant, ils ne sont pas traités de manière aussi sévère et rigoureuse que l'interdit de l'homosexualité. Donc je crois qu'il y a ici quelque chose d'intéressant. Alors je voudrais d'ailleurs rappeler aussi ce que des grands maîtres du judaïsme ont dit concernant par exemple le respect du Shabbat. Ils ont mis en avant ce qu'on pourrait appeler une forme de désensibilisation à un interdit. Ça veut dire que nos sociétés, ayant aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du Shabbat, les rabbins ont écrit que puisqu'aujourd'hui la plupart des juifs ne respectent pas scrupuleusement le Shabbat, ça veut dire que ça a créé une forme de désensibilisation au samedi, généralisée, qui fait qu'on ne peut pas juger un juif aujourd'hui qui ne respecte pas Shabbat, comme on jugeait un juif dans le shtetl à une époque où tous les juifs respectaient le Shabbat. Il y a eu des époques où tout juif, on ne dissociait pas le judaïsme de la religion, de la pratique. Aujourd'hui, avec l'émancipation, avec les Lumières, etc., comme vous savez, il y a eu tout ce phénomène de confessionnalisme, etc., donc de privatisation, si je peux dire, de la religion. Et donc, il y a une première, à mon avis, enfin une première piste intéressante, c'est cette manière de dire qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'homosexualité étant quelque chose qui est globalement accepté dans le monde, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un regard à porter différent sur cette question, dans la mesure où la sensibilité s'est émoussée par rapport à ça. La deuxième piste, et je terminerai avec ça, elle concerne le problème de la pulsion. Ça veut dire la question de savoir, est-ce qu'on est responsable des actes que l'on commet lorsqu'il y a des pulsions qui nous poussent à les commettre. Bon, ça c'est une question d'ailleurs qui concerne au-delà de la religion, le pénal, etc. Mais c'est une question à mon avis très très intéressante, très importante. C'est la question de savoir, il y a dans le judaïsme un concept qui s'appelle anus. Ça veut dire quelqu'un qui fait un acte sous le coup de la force majeure. Il ne peut pas s'empêcher de le faire. La Torah dit Rachamana Patre. C'est l'expression araméenne consacrée, anus rachamana patre, c'est-à-dire que si quelqu'un a commis une faute, mais il n'a pas pu s'empêcher de le faire, il a eu un mouvement irrépressible, comme la définition de la force majeure en pénal, vous pouvez rien faire pour en sujet, la Torah le disculpe. Donc ça aussi c'est intéressant, même si ce que je dis est évidemment contestable, puisque la plupart des textes que j'ai lus là-dessus ne rangent pas dans cette catégorie l'homosexuel, c'est déjà terminé. Il n'en reste pas moins que c'est une ouverture intéressante, ça veut dire s'intéresser à ce qui pousse à, et c'est là-dessus justement que je n'étais pas du tout d'accord avec Rabbi Moshe Feinstein, qui ne semble pas du tout comprendre qu'on puisse être attiré par un homme comme un homme est attiré par une femme. Pour les hétérosexuels, un homme peut être attiré par un homme ou une femme par une femme. Et là, effectivement, la question se pose de savoir, est-ce qu'on n'est pas ici dans une forme de anus, c'est-à-dire quatre forces majeures au sens de désir fondamental, viscéral en nous, qui nous pousse à. Et est-ce qu'il n'y a pas ici un regard différent à porter sur cette question? On aura peut-être le temps tout à l'heure d'approfondir avec vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant au père Laurent Lemoine. Pour 5 minutes. Je vais essayer de m'y tenir. Non. Parlez très fort, la salle est très mal sonorisée. La salle est mal sonorisée. Là, quand je parle comme ça, vous m'entendez, ça va? Bon, je vais essayer de dire quelques mots sur le positionnement officiel de l'Église catholique concernant l'homosexualité. C'est à la fois simple et rapidement compliqué, en fait. Dans un premier temps, on peut distinguer différents niveaux de réponse à la question. C'est quoi la position officielle de l'Église catholique? Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que entre le positionnement officiel du magistère romain, et puis les réflexions et les pratiques tant de certains théologiens que de certains acteurs de terrain, que ce soit des prêtres ou des laïcs, les disparités sont grandes. Pour le dire avec les termes d'un théologien spécialiste de l'Église chez nous, Hervé Le Grand, dans l'Église il y aurait un pôle hiérarchique, un pôle théologique, et puis les gens, le pôle populaire si vous voulez, hein. Eh bien, ces trois pôles-là divergent parfois assez nettement sur cette question, même s'il est bien entendu qu'en France, pour réduire cette question à l'Église en France, le courant qui relaie et tout simplement qui commente les décisions de Rome est un courant fort, qui relève presque du combat théologico-politique, et c'est un combat qui s'illustre aujourd'hui, en particulier contre les gender studies, bien sûr. Alors, la position romaine officielle, elle est simple à comprendre, elle est même désopilante de simplicité. Elle dépend étroitement d'un système global de prise en charge de la sexualité humaine, dont le but demeure prioritairement le don de la vie, mais au sens, parce qu'il faut bien s'entendre sur ce que l'Église considère comme le don de la vie, au sens de la reproduction de l'espèce, hein, bien que le pape Jean-Paul II ait développé le thème du don mutuel des époux dans le mariage, et déjà avant lui, un autre pape qui s'appelait Pie XI dans une encyclique qui date quand même de 1930. Ce système de prise en charge de la sexualité, je le définis un peu comme Michel Foucault, ce système est un système de contrôle de la conscience qui opère dans tous les domaines de la vie sexuelle. Alors, l'homosexualité est un domaine lié, comme les autres, hein, au contrôle de l'intimité, jusque dans le fort interne, enfin jusque dans le, oui, l'intimité, ce qu'on appelle le fort interne chez nous, via même le sacrement de pénitence, ceux qui ont entendu parler de cela. La tendance homosexuelle est en elle-même intrinsèquement désordonnée. Quand vous entendez désordonnée, c'est désordonnée par rapport à l'ordre naturel, dit naturel de la sexualité. Elle n'est pas elle-même considérée comme une faute, mais elle devient une faute lorsqu'elle est agie, lorsqu'elle devient un acte sexuel. Alors, il faudrait s'entendre sur ce que c'est qu'un acte sexuel, mais bon. L'Église catholique n'a pas l'habitude de penser en termes d'identité sexuelle. C'est un vocabulaire et des réflexions contemporaines qu'elle ignore assez largement, ou alors elle s'en méfie. Elle se contente de distinguer entre acte et tendance dans la logique de ce qu'elle considère comme un mal intrinsèque. Hein, je vous donne la position officielle, elle est comme ça. Bon. C'est-à-dire, un acte essentiellement mauvais ne peut devenir bon malgré une fin et des circonstances dont on pourrait changer, dont on pourrait estimer qu'ils en changent la nature. Bon, c'est le vieux débat de ce que c'est que la nature, déjà chez saint Paul, l'acte contre nature, en grec paraphusine, puis repris dans la théologie de saint Thomas d'Aquin. Il y aurait des comparaisons à faire entre votre tradition et la nôtre tout à fait intéressante, et je pense que la nôtre n'est pas forcément mieux. Enfin, bon, bref. Alors, il y a un théologien protestant qui a bien illustré la chose, pas catholique, mais c'est John Boswell, qui a fait un travail remarquable, comme vous savez, sur toutes ces questions. Et puis, de nos jours, il me semble que Edgar Morin et tant d'autres ont insisté sur l'idée de la nature comme production de la culture, mais l'idée de la nature comme production de la culture, c'est encore une théologie, si vous voulez, que la théologie catholique romaine peine à reconnaître. L'historicité profonde de la structuration psychosexuelle d'une personne se heurte à un concept intra-catholique qui est le concept de la loi naturelle, concept déclassé dans les années qui ont suivi chez nous le Concile Vatican II et qui revient en force, évidemment, puisqu'il sert de rempart aux thèses jugées menaçantes du gender. Il me semble possible de considérer qu'actuellement, le questionnement éthique vis-à-vis de l'homosexualité représente un sujet test chez les catholiques, parce qu'il représente la concrétisation et la conjonction de l'ensemble de la posture catholique officielle sur la sexualité. Alors, c'est traité dans un climat chez nous très passionnel, dans lequel le sujet est complètement impliqué, même à son insu, dans le thème qu'il traite. Et puis c'est un thème qui est lié à la posture de l'Église catholique dans le débat qui concerne la laïcité dite à la française, le débat public bien entendu. Donc c'est une question test. Je me permets ici de dire avec beaucoup de prudence que je peine comme théologien catholique à comprendre rationnellement la puissance, j'allais dire, de l'investissement affectif de certains de mes collègues à propos de ces questions décrites comme une sorte de tsunami moral qui ruinerait la structure familiale de toujours. Sous cet angle, il me semble que considérer le débat en termes d'identité sexuelle, et là c'est plus des propositions que je fais, est en même temps aidant et handicapant. Aidant, car les identités ont l'avantage de délimiter un sujet d'étude, et d'éviter la confusion des genres, si je puis dire. Hein, on parle d'un ou de plusieurs groupes en respectant la singularité de leurs critères. Bien. Handicapant, car les identités, surtout dans l'ambiance plus ou moins communautarienne, les identités risquent de devenir identitaires et du coup de bloquer, voire de ghettoiser. Autrement dit, il faudrait pouvoir désenclaver au moment même où l'on crée de nouvelles enclaves. C'est un paradoxe permanent, me semble-t-il, sur ces questions. Si on se focalise sur l'identité sexuelle, n'est-ce pas l'acte, y compris dans sa dimension génitale, qui devient l'enjeu de l'évaluation éthique? Si au contraire, on joue sur ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté de nos constructions psychosexuelles, sur le côté queer, si vous voulez, du cheminement psycho-affectif singulier, l'acte est relatif au comportement, l'acte est relatif au comportement global, tellement plus riche, me semble-t-il. Je veux suggérer par là que donner prise aux réprobations du magistère catholique est facile, dès lors qu'on se place devant lui comme une cible. De ce point de vue, l'expression « mariage gay » dans le débat politique actuel est une cible. La flèche pourrait peut-être passer à côté de la cible, en tout cas pour certains théologiens et pasteurs catholiques, si on cessait de poser des équivalences absolues avec le mode de vie hétérosexuel majoritaire pour penser une différence gay et lesbienne. C'est des propositions et des pistes, très contestables. À titre de piste, je me dis que le choix d'objet, pour continuer sur un vocabulaire analytique, le choix d'objet ne suffit pas à lui seul pour définir, et encore moins épuiser, une identité sexuelle. La cartographie psychique de chacun est beaucoup plus riche. Ce qui me paraît attristant, c'est l'évaluation éthique qui se concentre sur, finalement, quoi ? La génitalité de la vie sexuelle, au sens où autrefois on a déjà reproché à Freud de promouvoir un pansexualisme. De nos jours, l'Église catholique tomberait-elle sous le coup de cette inculpation ? Elle développe pourtant sa théologie, et ce depuis la Bible et sa conception du salut, une conception de la personne dans son rapport entre la liberté et la grâce, tellement plus ample et aérée, si j'ose dire, que le rétrécissement actuel sur une théologie de l'acte sexuel, qui n'est d'ailleurs pas la théologie, me semble-t-il, médiévale, mais finalement assez moderne, de Thomas d'Aquin. Enfin, quand on va voir près du côté de Thomas d'Aquin, c'est pas si net que ça, mais bon. C'est sans doute la raison pour laquelle le magistère romain ne retient dans les gender studies que les questions liées au choix d'objet, alors que Judith Butler, pour ne prendre qu'elle, inscrit ces questions dans le cadre d'une philosophie beaucoup plus puissante, me semble-t-il, préoccupée d'abord des tensions fécondes entre le sujet, l'histoire et la vérité. Et puisque, j'en terminerai par là, vous m'avez demandé quelques mots sur le point de vue officiel de l'Église catholique et le mien, sans tomber dans le clivage, il me faut aussi ajouter que nous sommes, selon moi, sur cette question dans l'Église catholique, et je ne suis pas optimiste, dans le type même de la situation bloquée. L'Église catholique ne souhaite pas, pour le moment, et je vois peu d'évolution à prévoir, faire bouger un tant soit peu sa ligne de conduite. Dans la mesure où, c'est un peu mon analyse, elle a le sentiment que la moindre évolution en matière d'éthique sexuelle, et on le voit sur l'homosexualité comme sur autre chose, hein, la contraception, etc., la moindre évolution ferait rapidement vaciller puis chuter l'ensemble du système que j'ai décrit au début, qui perdure précisément comme système, en dépit et voire grâce aux attaques contre le système. Un des vices de cette manière de fonctionner est d'accepter, au moins tacitement, une morale à deux vitesses, celle que feu le jésuite Jean-Yves Calvez décrivait, d'une part, dans l'Église catholique, d'assez grandes possibilités d'ouverture et d'audace sur le terrain de la morale politique, économique, sociale, et d'autre part, une rigidité revendiquée, dans le courant officiel en tout cas, qui se blindent d'autant plus que grandes sont la crise des valeurs et les autres menaces qui pèsent sur l'hyper-individualisme contemporain corrélé au communautarisme de tout poil. À vrai dire, le système catholique est cohérent. C'est sa chance, si j'ose dire. Pour conclure, je reviens juste sur une idée que j'emprunte, et cela ne vous étonnera pas, à Éric Fassin. La sexualité ne se réduit pas au genre. Alors, cette idée, j'y souscris volontiers, même comme théologien catholique. Je crois en effet que, dès lors qu'on intègre l'historicité d'un sujet, sa structuration psychique par exemple, avec ses heurts, ses mécomptes, ses régressions, avec l'insu d'une vie, en somme, dès qu'on fait cela, il est de bonne foi, si je puis dire, de dire que la sexualité, c'est pas seulement le genre. Ceci posé, pour autant prétendre que la sexualité n'a rien à voir avec le genre, c'est pas si évident que ça non plus. Et les catholiques, à la suite de certains sociologues, anthropologues et psy, d'avancer alors l'argument du roc du biologique. Alors on entend souvent ça comme un étendard, le roc du biologique, qu'il est facile d'utiliser comme un épouvantail idéologique. Pourtant, il me semble que tout l'intérêt du débat et les progrès qu'on peut escompter de part et d'autre, quelle que soit la tradition religieuse ou l'appartenance à la laïcité, tout l'intérêt du débat est dans ce mouvement-là, hein, dans cette question-là, dans le jeu que l'on peut donner à cette intersection-là. La sexualité se réduit-elle, dans quelle mesure, oui, non, pourquoi, comment, au genre? Je vous remercie. Je vais passer la parole maintenant à Bella Kedouk, qui va nous parler de cette question dans l'islam. D'accord. Bon, ben, je vous remercie pour l'invitation, c'est-à-dire l'invitation piège, en quelque sorte. Bon, alors 15 minutes, je n'aurai pas le temps de dire grand-chose, surtout que pour commencer. Ce que je vais dire ne représente pas, on va dire, la position officielle de tel ou tel organisme musulman, surtout en France, vu que, comme vous le savez presque tous, que l'islam de France n'est pas encore organisé, ne serait-ce que pour les choses les plus simples concernant le culte. Vous pouvez imaginer que la question, certaines questions de société sont complètement, on va dire, mises de côté, malheureusement. Alors, ce que je vais vous dire, c'est en quelque sorte le regard d'un musulman, d'un responsable musulman, vu que depuis depuis plusieurs années, presque 30 ans maintenant en France, que j'assume certaines responsabilités au sein de la communauté musulmane, que ce soit, on va dire, celle de l'intérieur, on va dire, qui vit au sein de la société, comme celle qui vit, on va dire, en marge de la société, et là je souligne notamment la situation des musulmans dans les prisons où la question de l'homosexualité, comme vous pouvez le savoir, existe. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est encore plus difficile de parler d'une position vu que le sujet, lorsque on essaie de le connaître, de l'étudier, la matière première manque. À part les quelques textes qui reviennent presque à chaque prise de parole, et notamment lorsqu'il s'agit de théologiens qui vivent dans les pays musulmans, donc on peut retrouver presque les mêmes textes qui reviennent, qui sortent depuis le deuxième siècle jusqu'à aujourd'hui, sans qu'il y ait un regard, on va dire, approfondi par rapport à l'évolution des sociétés ou la connaissance approfondie de certains sujets qui méritent, on va dire, une certaine spécialisation, notamment côté scientifique, ou voilà, ou qu'il s'agit ne serait-ce que, on va dire, le regard du sociologue ou du psychologue, etc., ou du psychiatre. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder un petit peu quels sont les éléments qu'on peut évoquer pour essayer de comprendre un petit peu la position. Parce que la littérature traditionnelle, voilà, elle est claire et nette, donc elle rejoint un petit peu, vous avez compris que tous ceux qui vont parler de religion, notamment les religieux et la sexualité, notamment l'homme, on est un petit peu, mal à l'aise, quoi. On a du mal à choisir les mots, à les définir, à les proposer, parce que tout simplement, en tout cas, moi, je parle de ma situation, c'est que on n'a pas assez de matières premières pour pouvoir un petit peu joindre les idées les unes après les autres. Par contre, un petit peu, si vous voulez, moi, ce que je vais proposer, c'est d'aborder la situation, enfin, le sujet, à travers 5 points ou 6 points. Le premier, c'est d'abord le cadre théorique, qui est très important à rappeler ou peut-être à évoquer pour, on va dire, les non-initiés par rapport à la religion musulmane. Ensuite, je vais parler de la sexualité en islam pour aborder l'homosexualité en islam. Et puis l'homosexualité et religiosité pour terminer sur l'homosexualité islam en France. Alors d'abord, pour moi, c'est le premier point qui me paraît le plus important parce qu'à travers lui, on peut comprendre le reste. Donc 15 minutes ne vont pas suffire, mais j'espère que lors du débat, on aura l'occasion de donner des exemples concrets. Alors pour le cadre théorique, si vous voulez, aujourd'hui, on parle de l'islam de tous les côtés, mais rare, et généralement c'est à travers des textes coraniques ou prophétiques, mais sans jamais se référer aux outils utilisés par, en tout cas, les premiers théologiens pour justement essayer de distinguer les textes les uns des autres, parce que les versets coraniques ou les paroles prophétiques ne sont pas un code de procédure pénale, ce ne sont pas des articles de loi, mais ce sont des paroles, et que les théologiens musulmans, à partir du deuxième siècle, ont essayé de mettre un petit peu, ils ont essayé de mettre un petit peu d'ordre dans ces textes. Le Coran, c'est 6300 versets à peu près, les paroles des prophètes, c'est presque à l'infini. On peut bien sûr les comptabiliser aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un grand nombre de textes, c'est par dizaines de milliers. Et comment arriver à comprendre tel ou tel texte par rapport à son contexte, par rapport à ce que ce texte peut évoquer aux musulmans lorsqu'il est dans telle ou telle situation. Et ceci a été un petit peu organisé dans le cadre d'une science que j'appelle aujourd'hui, c'est la science orpheline, parce que la plupart l'ignorent, à commencer par les musulmans, qui s'appelle les fondements de la jurisprudence. Parce qu'on parle beaucoup de la jurisprudence, le fiqh, mais rarement qu'on aborde les fondements, c'est-à-dire sur quoi se basent les fuqaha, les savants, les théologiens musulmans pour évoquer tel ou tel jugement. Et cette science, malheureusement, qui est mal connue, c'est cette méconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, les musulmans, que ce soit dans les pays musulmans ou en France, bien sûr, on n'arrive pas à comprendre exactement que veut ce message et comment je dois vivre avec ce message. Et donc, ce cadre théorique, je vais le rappeler en quelques points à travers un rappel des principes ou les principes ou les prescriptions majeures, qui sont de 4 prescriptions majeures. La première, elle est donc doctrinale, qui se résume dans le premier, on va dire, pilier de l'islam, qui concerne le dogme tout simplement. Et les théologiens musulmans en parlent parce que musulman, c'est d'abord une foi, c'est d'abord une spiritualité, et qui se résume en 6 points, c'est croire en Dieu, aux anges, aux messages, aux messagers, au jugement dernier, et puis au destin. Ce sont les 6 fondements. Ensuite, il y a les prescriptions à visée, à objectif, ce qui s'appelle al-maqasid, une science qui s'est développée à travers les fondements de fiqh, qui a cherché à comprendre pourquoi on nous demande de faire telle ou telle chose et pourquoi on nous demande de ne pas faire telle ou telle chose. C'est-à-dire, chaque chose, il n'y a pas une prescription coranique ou prophétique qui n'a pas une visée. Et il faut d'abord comprendre cette visée pour pouvoir la pratiquer, y vivre avec. Ensuite, il y a, alors on peut citer parmi les prescriptions à viser, c'est l'accomplissement des meilleures actions, qui est le mot al-ihsan, c'est la perfection. Ensuite, l'enseignement, élévation de l'âme, qui est al-tazkiyah, que notamment les soufis travaillent de manière approfondie. Ensuite, c'est rechercher les bénéfices et éviter les dommages. Et quatrièmement, c'est l'établissement de la justice. La troisième prescription majeure, elle est d'ordre éthique et moral, qui se réunissent dans 2 éléments importants. Le premier, c'est la crainte révérentielle, qu'on appelle en arabe at-taqwa, et puis la droiture. Et la quatrième prescription, elle est d'ordre législative, qu'on peut résumer en cinq points. C'est d'abord tout ce qui est créé, elle est au service de l'individu, donc qui se résume entre deux mots, permission et assujettissement, al-ibaha ou al-tasrir, c'est la règle de base. Ensuite, la primauté de la révélation, notamment lorsqu'il s'agit de l'interdit, c'est-à-dire personne n'a le droit de dire que c'est interdit, sauf c'est là vraiment une certitude par rapport au texte. Ensuite, il y a l'utile est autorisé et le nuisible est interdit, globalement. Et puis, le quatrième point, c'est nulle obligation avec la contrainte, qui rejoint un petit peu un point que j'ai évoqué tout à l'heure. Et pour terminer, c'est le respect des engagements. Et le premier des engagements, et l'engagement le plus important, c'est celui que le croyant a avec son créateur. Le deuxième point, la sexualité en islam. Alors, la sexualité en islam, à l'instar de toutes les religions monothéistes, n'est permise que dans un cadre bien précis, bien défini, à savoir le mariage entre un homme et une femme. L'islam veut la formation d'individus, certes croyants, mais aussi accomplis, aussi bien physiquement, intellectuellement ou moralement, libres de tout refoulement et de tout privation. Ça, c'est par rapport à certains musulmans qui choisissent la voie de l'ascétisme, ça veut dire s'interdire certains plaisirs. Donc, on n'a pas le droit de les interdire du moment que c'est dans le cadre qui est régi par la religion. La sexualité n'est pas seulement un acte biologique, mais aussi une aptitude morale et physique accordée à l'individu pour l'aider à s'extérioriser vers l'autre, l'homme ou la femme, afin de trouver la profonde quiétude morale et physique, chose qui est résumée dans un verset phare qui est cité dans une sourate qui s'appelle Ar-Rumh, sourate numéro 30, verset 21. Et parmi ces signes, elle a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a institué entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour les gens qui réfléchissent. Le mariage est fortement recommandé lorsque le musulman dispose des conditions nécessaires. À défaut, la société est appelée à faciliter le mariage en allouant des aides aux jeunes couples. Parmi les objectifs du mariage, les théologiens citent notamment la question de la protection contre la fornication et assurer une descendance, donc la procréation. Ici, il faut rappeler un point important, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle al-maqasid, c'est les visées de la religion, c'est que les théologiens rappellent que les visées principales de l'islam, c'est d'abord sauvegarder la religion, sauvegarder la vie, sauvegarder la raison, sauvegarder la descendance et sauvegarder les biens. C'est dans ces cinq points, ce qu'on appelle les cinq nécessités, que chaque individu doit veiller à sauvegarder, pour que la vie puisse continuer, pour que l'individu puisse vivre. Ce qui fait que, dans le cas de ces cinq points à protéger, chacun doit veiller, même des fois lorsqu'on a un texte religieux qu'on doit appliquer, mais qui va mettre en cause un de ces cinq points, le texte n'est pas applicable. Le troisième point, c'est l'homosexualité en islam. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut, à partir des deux textes les plus importants, les principaux textes, le Coran et la tradition prophétique, dans le Coran, il n'y a pas le mot homosexualité. C'est-à-dire, si on veut le traduire, on ne va pas le trouver. Mais tous les versets coraniques, je crois qu'il y a une dizaine, en tout cas dans 10 endroits différents, le Coran parle du peuple du prophète Lot, tout simplement. C'est un peuple qui a eu des pratiques sexuelles qui, bien sûr, sont considérées comme réfutables par rapport au texte coranique. Mais on ne va pas trouver un verset qui va parler de l'homosexualité ou même de la sanction concernant l'homosexualité. Dans la tradition, je n'ai pas voulu vous citer parce que les 15 minutes, ça me suffit juste pour citer les textes coraniques ou prophétiques, donc je ne vais pas en parler, mais je suis disposé à les citer si vous le demandez. Alors, pour la tradition prophétique, il y a un certain nombre de paroles de prophètes qui s'appellent les hadiths qui évoquent la question qu'on peut imaginer concerner l'homosexualité. Parce que le mot qui est utilisé dans les paroles du prophète. Et ensuite, dans la tradition théologique, c'est Al-Liwat. Al-Liwat par rapport au peuple de Lot, c'est-à-dire la pratique du peuple de Lot. Voilà. Donc on a certains textes, mais pour la plupart, et c'est justement, je vais le dire tout à l'heure, c'est sur ces textes que les théologiens musulmans abordent cette question, qu'ils ne sortent du tout de ces textes. Aucun de ces textes ne peut, pas les théologiens, les spécialistes de cette science, la science du hadith, ça veut dire qu'ils scrutent la parole du prophète à partir de la chaîne de transmission jusqu'à sa compatibilité avec l'esprit général de l'islam, aucun ne considère que ces textes, on peut les considérer comme authentiques à 100%. Voilà, ça c'est une science très développée qui met une classification des paroles du prophète entre celui qui est authentique à 100%, qu'on met juste après la parole du Coran, et puis jusqu'aux textes qui sont inventés. Et donc aucun théologien ne considère qu'on peut les considérer comme authentiques à 100%. Mais il se trouve que les théologiens se basent sur ce texte pour justement, et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Alors par contre, ce que je peux dire à ce propos, c'est que la question, c'est-à-dire les individus, on va dire les individus, notamment on parle d'hommes, parce qu'effectivement, même dans la théologie musulmane, la question de l'homme féminin n'est pas aussi développée comme masculine. Parce que, bien sûr, on parle pas seulement de la question de l'acte en tant que tel, à savoir la pénétration, mais c'est aussi les conséquences de l'acte qui va venir après. Et donc, ce n'est pas conçu de la même manière. C'est-à-dire, en parlant des hommes qui ont des tendances qu'on peut aujourd'hui qualifier d'homosexuelles ou autres, toutes autres pratiques sexuelles, ils existaient à l'époque du prophète. Il y a même des noms qu'on connaît aujourd'hui qui vivaient avec le prophète, qui vivaient, notamment il y avait un, c'est lui qui était chargé de prendre en charge la chamelle du prophète. Donc il y avait une très belle voix, et ça dans la tradition du désert arabique de l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas à l'époque, c'est que ceux qui guident les chameaux devraient être des chanteurs qui chantent des poésies spécifiques pour justement aider le chameau soit à marcher plus vite, soit à marcher, on va dire, plus doucement, et qui était très connu, qu'on peut qualifier aujourd'hui, on dit qu'il était efféminé, et qui avait droit de fréquenter les femmes, notamment les femmes du prophète, et personne n'a jamais a remis en cause leur présence en tant que telle. On parle, les théologiens musulmans, notamment du premier siècle, parlaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui, je pense, les hermaphrodites, c'est-à-dire Al-Khunta. Ça veut dire cette personne qui dispose des deux sexes et qu'on a du mal à la définir. Est-ce qu'elle est plutôt un homme ou plutôt une femme? Ils existaient et donc il y a toute une tradition, c'est parce qu'il y a rapport avec l'héritage, etc. Et puis, si vous voulez, dans la tradition, on en parle d'une manière aisée, mais si vous voulez, on ne va pas au-delà. Il n'y a pas cette analyse qu'on peut aujourd'hui qualifier d'analyse psychologique, psychiatrique ou même étudier la présence de ces individus au sein de la société, sauf, là, je mets une petite parenthèse, c'est que certains, lorsque, c'est-à-dire leur présence ne posait aucun problème, mais lorsque, puisque c'était des personnes qui avaient droit, qui pouvaient circuler au milieu des femmes d'une manière naturelle, sauf lorsque une de ces personnes commence à aborder, on va dire, des choses intimes, ce qui rentre dans l'intimité des familles. Et c'est là on leur demande de s'éloigner, on les empêche de fréquenter les femmes. Donc il y a toute une histoire qui est très connue à ce propos. Maintenant, pour parler de, pour arriver à la question de l'homosexualité en islam, la question de la jurisprudence. Et bien justement, c'est-à-dire c'est on sort des textes. C'est-à-dire la question du peuple de Lot. Et si on sort de ces paroles du prophète qu'on ne peut pas qualifier d'authentique à 100%, mais bien sûr on ne peut pas non plus les réfuter, on ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils existent, mais on ne peut pas les mettre, c'est-à-dire au même niveau d'un texte authentique. Pourquoi? Parce que les théologiens disent, lorsqu'il s'agit de la sanction, et on connaît un petit peu le système de sanction islam qui est très très sévère, très très sévère, on ne peut pas appliquer une sanction du moment qu'on n'a pas des textes sûrs, clairs et nets, parce qu'il s'agit quand même d'une chose, parce que les sanctions islam, bon, il ne faut quand même les considérer comme des sanctions qui peuvent être horribles à l'application. Et donc, une part des théologiens veulent, c'est-à-dire s'appuient justement sur la non-authenticité à 100% de cet acte, donc on ne va pas les prendre en considération. C'est pour cela d'ailleurs, la jurisprudence musulmane, alors... pose la question à partir de quel moment on peut sanctionner une personne pour considérer qu'il a commis quelque chose de grave. C'est notamment, puisqu'on parle de la sexualité, certains théologiens parlent de l'homosexualité comme un acte, on va dire, de fornication. C'est-à-dire même si un couple, on va dire un homme et une femme qui ne sont pas mariés, qui consomment une relation sexuelle en dehors du mariage, donc c'est la même chose. Du moment, c'est un acte qui sort de la règle, qui est tout simplement le mariage entre un homme et une femme. Alors sur quel point se base la plupart des théologiens? Ils se basent sur trois points. Premièrement, ils disent de toute façon, peu importe la personne qu'elle commet comme un acte, que ce soit homosexualité, que ce soit fornication, que ce soit boire de l'alcool ou commettre tout un autre, ce qu'on appelle un péché, cette personne n'est pas obligée de le dire. D'ailleurs, tous les textes, toutes les histoires que nous trouvons qui étaient étudiées, c'était toujours, c'est la personne elle-même qui en parle. C'est pour cela que si on peut faire un inventaire sur les 15 siècles de l'islam, on ne peut pas faire un anal de toutes les personnes qui étaient sujets de cette question, parce que tout simplement, les personnes n'étaient pas, c'est-à-dire, il y a plutôt, pas seulement ils ne sont pas obligés d'en parler, mais il y a recommandation pour qu'ils ne racontent pas ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, il y a une parole de prophète qui dit « Celui qui était éprouvé par la pratique d'un péché, eh bien, il n'est pas obligé, il vaut mieux qu'il le garde. Il n'est pas obligé de le raconter. » Le deuxième point, c'est la question, c'est-à-dire la définition de la liberté individuelle et puis la réalité sociétale. C'est que l'individu, personne ne va, si vous voulez, aller voir ce qu'il fait dans sa vie intime, mais il doit prendre, lui, en considération la vie de la société. C'est que, et ça on le sait pour l'homosexualité, qu'on soit dans un environnement musulman ou catholique ou juif ou non musulman, le regard global des individus de telle ou telle société, il est presque le même vis-à-vis de certaines pratiques sexuelles. Et le troisième point, c'est la notion du trouble à l'ordre public. Et ça, si vous voulez, c'est un point qui remonte aujourd'hui, pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le monde musulman. Il y a au moins maintenant deux pays où il y a, on va dire, un gouvernement qui est dirigé par ce qu'on appelle l'islamisme, c'est-à-dire des gens qui ont une référence religieuse. Et bien, ces questions remontent maintenant à la surface et se posent à ces responsables. Et tous, ils sont unanimes pour dire qu'on n'est pas là pour appliquer, pour interdire telle chose, mais il y a plutôt d'autres sujets qui sont plus importants. Par contre, dans la réponse de certains responsables, ils disent... Nous, on ne va pas aller fouiller dans la vie des gens, on ne va pas leur interdire ce qu'ils veulent faire, mais par contre, on leur demande tout simplement de respecter un petit peu l'environnement de la société et l'ordre général qui, c'est comme, ils parlent parce qu'ils parlent de l'alcool, ils parlent un petit peu de la question du voile, ils parlent de certains points, et tous, presque, ils disent la même chose. La chose la plus importante, c'est que telle ou telle pratique, tel ou tel choix individuel, ne doit pas, on va dire, remettre en cause la situation de la société en général. Je passe à la question de la religiosité, parce que cette question, elle a été posée au premier siècle. Est-ce que le type, le musulman, parce que là, on parle bien entendu des musulmans, on parle pas des non-musulmans, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les lois concernant les musulmans ne considèrent nullement, c'est-à-dire ne concernent nullement les non-musulmans. D'ailleurs, dans beaucoup de pays musulmans, lorsqu'il y a une présence religieuse, notamment juive, parce que dans beaucoup de pays musulmans, ben, toujours, c'est-à-dire le responsable musulman, il se réfère au tribunal judaïque ou hébraïque, etc. Donc, ça ne concerne que les musulmans. Donc, la question, est-ce que le musulman sexuel est toujours musulman? Bien entendu, il y a unanimité pour dire, bien entendu, que oui, parce que le musulman qui commet un tel acte, il n'est pas plus ou moins, on va dire, il a fait une chose plus ou moins grave que celui qui boit l'alcool, qui tue, qui vole, c'est un acte qui est réprouvé religieusement parlant, qui n'est pas accepté au niveau de la société, mais il ne, si vous voulez, il n'enlève en rien la qualité de musulman, d'ailleurs, certains même disent, il y a beaucoup de personnes qui ont des pratiques sexuelles, mais qui peuvent être plus croyants, plus musulmans que certains qui commettent pas ces actes, mais qui font des choses plus graves. Au niveau religieux, c'est-à-dire la théologie musulmane n'enlève en rien la qualité de musulman à l'homosexuel. Il y a un bannissement.